Leopoldo Alas, Clarine. La Rose d'Or. Il fut jadis un pape qui, à 80 ans, avait le teint délicat d'une jeune fille, des yeux bleus et doux, gardant la jeunesse de l'amour éternel, des mains fines, aux doigts effilés et blancs semblables à un marbre de Paros fouillé par le ciseau d'un sculpteur grec. Ses mains, qui jamais ne trempèrent dans aucun péché, il avait pour habitude, lorsqu'il songeait, de les joindre, les paumes l'une contre l'autre, de les appuyer sur sa poitrine, tel qu'on voit les saints icônes byzantins. Et, de même qu'un saint byzantin, il semblait que la vie de ce pape fût émaillée sur fond d'or, tant l'univers qui l'entourait lui paraissait matière précieuse, étant l'œuvre de Dieu. Le temps et l'espace devenaient pour lui sacrés. Si ses humbles attitudes étaient toutes hiératiques, de même ses actions quotidiennes, toujours dirigées par une règle invariable de pieuse humilité, de pureté transparente. Il abhorrait le péché parce qu'il le regardait comme une tâche profanant la sainteté de la création. Son âme n'était que blancheur. Quand il apprit qu'on l'avait élu successeur de Pierre, il tomba en défaillance dans les jardins du palais épiscopal de son diocèse italien, dont les campagnes parlaient du Christ et de Virgile. Comme si c'eût été de sa part un crime d'orgueil, il éprouvait une sorte de remords de voir sa sincère humilité élevée à ce suprême honneur. « Qu'ont-ils vu en moi ?» se disait-il. « Quel piège leur a tendu ma vanité pour leur faire jeter les yeux sur ma personne ?» Et il idait seul que le véritable péché serait de supposer capable d'erreur ceux qui l'avaient choisi, le décida, par foi et par obéissance, à ne pas se déclarer indigne de la tiare. Pour ce pape, il n'existait ni parents ni amis, ni grand de la terre, ni intrigue de palais, ni séduction du pouvoir. Il gouvernait avec la justice, et comme une lumière, comme une source limpide, la justice illuminait tout, purifiait tout. Il ne souffrait ni souillure ni obscurité. Il vivait de légumes et de fruits, buvait de l'eau avec un peu de sucre et de cannelle, mais il aimait l'or. Il l'aimait parce que, à ses yeux, l'or ressemblait au soleil. Pour son éclat, pour sa pureté, l'or lui paraissait l'image de la vertu. Il poursuivait sévèrement la simonie, l'avarice des clercs, autant en elle-même que pour le péché, parce que l'or monnayé, gardé, caché, était dérobé aux autels, à l'hostie sainte, aux vases sacrés, aux ornements des ministres du Seigneur. L'or était la couleur de l'Église. Les splendeurs de ce métal précieux devaient se prodiguer en calice, en patène, en encensoir, en chasuble, chape pluviale, manteau de la Vierge, nappe d'autel, moulure des tabernacles, auréole des saints. L'employer pour vendre et acheter des choses profanes, le mêler aux misères et aux vices des hommes, lui semblait profanation indigne, vol fait au culte. Il eût voulu fondre toutes les monnaies et les faire couler en un ardent ruisseau d'or liquide au pied de la chaire de Pierre pour être divisé entre tous les évêques du monde qui l'emploieraient à embellir le culte, à dorer de ses jaunes rayons et le temple de Dieu et ses autels et ses ministres. Donnez l'or à l'Église et demeurez avec la charité, prêchait-il sans cesse. Et ce saint byzantin, qui vivait d'eau et de légumes, attirait, de ses mains sans péché, le plus de richesses qu'il pouvait, non par des moyens coupables, mais par persuasion, par sa sollicitude à obtenir des donations pieuses. Exigeant les droits de l'Église, sans usure ni simonie, mais sans en négliger aucun. Car l'ambition secrète du pontife était d'en finir avec la richesse humaine et de la convertir toute en objet sacré. Et afin qu'on ne pût dire qu'il aimait l'or pour lui-même, pour sa seule Église, il distribuait aux quatre vents de la chrétienté les chefs-d'œuvre qu'il faisait exécuter, donnant aux princes, aux églises et monastères, aux nobles dames illustrées par leur piété et leur lignage, de riches présents qu'il bénissait, après en avoir surveillé le beau travail, comme un artiste épris de ce vil métal, mais seulement pour exercer sur lui son talent. Au début de l'année, il envoyait aux grands dignitaires, aux princes illustres, des chapeaux et des manteaux d'honneur. Quand il nommait un cardinal, il lui donnait toujours l'anneau d'or pur finement ciselé. Les guerriers chrétiens n'étaient point oubliés. Ces champions de la foi recevaient du bon pasteur des étendards où figuraient, rehaussés d'or, les armes pontificales ou l'effigie de quelque saint. Mais la plus vive joie du pape, parmi toutes ses libéralités, était de bénir avant Pâques, le dimanche de l'étaré, le dimanche des roses, la rose d'or, incrustée de pierreries, qu'il envoyait par ambassade spéciale à une reine, une grande dame, une église privilégiée, une ville amie. L'unique peine qu'éprouvait le pontife en disposant de quelqu'un de ses joyaux était de penser que peut-être il allait tomber entre des mains d'hommes ou de femmes dont le contact indigne souillerait la pureté de l'or. La rose d'or surtout. Chaque fois qu'il se séparait d'une de ces merveilles d'art florentin, il soupirait en pensant que la noblesse de la naissance, les berceaux dorés, ne suffisent pas toujours à donner au cœur des femmes cette pureté de l'or. « Enfin, la diplomatie !» s'écriait-il, prenant congé, avec un long et triste regard, de ce foyer de lumière jaune sur lequel des topazes et des émeraudes imitaient une rosée. Et, à part lui, avec un certain remords de conscience, il ajoutait, se retournant sur son lit d'anachorète, « Rigoureusement, l'or ne devrait peut-être servir que pour le Très-Saint-Sacrement. » Un soir d'avril, le pape se promenait, comme chaque fois qu'il faisait beau, dans un coin préféré de son jardin du Vatican, appuyé sur le bras de son familier de prédilection, un jeune homme auquel il s'était attaché parce que, durant de longues années, il n'avait découvert en lui aucune pensée ni aucun acte coupable, au moins en matière grave. Il allait se retirer, sentant la fraîcheur de la nuit, quand il aperçut son jardinier, un vieillard comme lui, tenant une branche fleurie à la main. C'était l'offrande quotidienne. Le jardinier présentait au Saint-Père les plus fraîches, les plus souriantes des fleurs que donnait la saison, lorsque le soir descendait à son jardin, le maître cher et vénéré. Ensuite, le pape déposait ses fleurs dans sa chapelle, devant l'image de la Vierge. « Tu te présentes bien tard aujourd'hui, Bernardino, » dit le pontife, prenant les fleurs. « Saint-Père, je redoutais l'approche de votre sainteté, car j'ai commis un péché. »« Quoi donc ?»« Trop faible devant des larmes et des prières, désobéissant à ma consigne, j'ai permis l'entrée de ces jardins à une étrangère. » Une jeune fille qui se cache, prosternée derrière ces arbres, contemple de loin votre sainteté, l'adore presque, je crois, pleurant en silence. Une femme ici ? Elle m'a demandé le secret, mais c'est trop de deux péchés. Je confesse le premier pour décharger ma conscience. Elle est là, derrière le massif. Elle est belle, elle a 21 ans et porte l'habit des Oblates, chez qui elle a trouvé asile. Elle vient de très loin, d'Allemagne, je crois. Que veut donc cet enfant? Ignore-t-elle qu'il y a d'autres moyens de me voir et de me parler? Non, c'est pour cela, elle n'ose pas. Elle dit être recommandée à votre sainteté, ainsi qu'en témoigne un parchemin qu'elle porte dans son corsage, ni plus ni moins que par la sainte matrone romaine, vénérée de toute notre cité. Mais la jeune fille n'ose affronter votre présence, et, sûre que sa timidité est sans remède, elle offre d'envoyer par une tierce personne un objet consacré qu'est la mission formelle de remettre à votre sainteté. « Je retourne dans mon pays, m'a-t-elle dit, sans oser le regarder face à face, sans oser lui parler ni l'entendre, sans implorer mon pardon. Mais, de loin, à la dérobée, je ne voudrais pas mourir sans l'avoir vue. Sa lointaine présence sera un bienfait pour mon âme. » Et de là-bas, elle contemple votre personne sacrée. Le jardinier se prosterna, implorant le pardon de son imprudence. Le pape, se tournant vers Sébastien, son familier, lui dit « Va, approche-toi avec douceur et bonne grâce de cette pauvre créature. Fais qu'elle sorte de sa cachette et qu'elle vienne me parler. cette aventure m'intéresse à cause d'elle et aussi de celle qui me la recommande. » Bientôt, une jeune fille, rougissante, pâlissante, cachant mal sa beauté sous le triste et sombre costume des oblates, fut aux pieds du pontife, s'opiniâtrant à les baiser et à essuyer la poussière des sandales avec ses cheveux blonds, qui semblaient des vagues dorées par le soleil couchant. Sans faire allusion à l'innocente imprudence qu'elle avait commise, pour ne pas la troubler davantage, le pape lui dit d'une voix très suave, entrant tout de suite en matière. « Lève-toi, pauvre fille, et apprends-moi ce que tu m'apportes d'Allemagne, et comment un objet, que tu dis sacré, peut être entre tes mains. Très Saint-Père, j'apporte une rose d'or. » Maria Blumengold, dans la chapelle du pape, prosternée devant la statue de la Vierge, n'osant quitter des yeux les dalles du sanctuaire, confessa, le soir même, presque à la nuit, son péché, au saint pontife qui l'écoutait, adossé à l'autel, un sourire aux lèvres et ses mains jointes appuyées sur sa poitrine. Dans l'église des saints Maurice et sainte Madeleine, de la ville de Halle, se gardait, comme une relique, une rose d'or, présent de Léon, dixième pape de ce nom, disait un vieux parchemin. Jamais Maria n'avait vu ce joyau, qu'elle rêvait digne de la Sainte Vierge. Elle vivait, humble paysanne, dans les faubourgs de Halle, et possédait un fiancé dont le seul défaut était de trop l'aimer, à tel point que le curé du lieu traitait cet amour d'idolâtrie et que les parents de Maria s'en plaignaient. À le voir absorbé en contemplation devant elle, baisant son tablier à la dérobée, parfois à genoux, les bras en croix ou les mains jointes, Maria éprouvait de grands remords et de grandes délices. Que n'aurait-elle donné pour n'être point adorée ainsi? Impossible de le corriger. Le seul châtiment efficace eût été de l'abandonner, et il en serait mort. Cependant, le curé et les parents de Maria finirent par voir un péril dans cette folie d'amour du pauvre garçon, où le premier découvrait même une hérésie. Ils s'opposèrent au mariage, défendirent à Maria de parler désormais à son fiancé, et, comme elle se montrait obéissante, lui, désespéré, s'enfuit du village, abhorrant ceux qui l'empêchaient de se prosterner devant son idole, et jurant de tout profaner, puisqu'on ne permettait pas à son cœur le culte de ses amours. Il passa en Bohême, où le hasard lui fit rencontrer des bandes de paysans, qui, en haine de l'Église, mais aussi pour des causes autant politiques que religieuses, se soulevaient contre les autorités et poursuivit, se venger comme il pouvait. Des années passèrent. Maria perdit sa mère. Son père, infirme, malade, vécut de ce que gagnait la jeune fille à vendre du lait et des légumes, à blanchir du linge, à filer la nuit. Un soir, que la faim et la douleur lui arrachaient des larmes, dans le jardin de sa cabane, auprès du puits où, en des temps meilleurs, il se donnait rendez-vous, Guillaume, ainsi se nommait son fiancé, apparut soudain. Il était fugitif, poursuivi. On l'attendait au loin, très loin, pour une guerre sans pitié. Mais il avait fait un vœu à la sainte qu'il vénérait, à elle-même, à sa Maria. Blessé dans un combat, près de mourir, il avait juré, s'il ne perdait la vie dans cette crise terrible, de se représenter devant sa fiancée, bravant tous les périls, et de lui apporter une riche offrande. Et il était venu, un seul moment, prêt à fuir de nouveau pour sauver ses jours, et revenir plus tard, chercher sa bien-aimée, la faire sienne, en dépit de tous. « L'offrande était là, dit-il, montrant une boîte de métal, longue et étroite. Ne l'ouvre pas avant mon départ, et garde-la toujours cachée. Ne me demande point où j'ai acquis ce trésor. Il est à moi, il est à toi. Tu le mérites assez, et je l'ai certes bien gagné par les efforts de ma valeur et l'ardeur de ma tendresse. » Guillaume s'enfuit. Le lendemain, Maria ouvrit la boîte, seule dans son alcôve, et elle vit une rose d'or, aux pétales incrustés de pierres précieuses, en guise de rosée, à la tige d'or finement ciselée. Une des pierres s'était presque détachée de la feuille où elle étincelait. La moindre secousse l'eût fait tomber. Le père de la jeune fille ne sut rien, Maria ne chercha pas à s'expliquer l'origine ni la valeur de ce joyau, pas plus qu'à se demander ce qu'en conscience elle en devait faire. Était-ce un vol? Elle se reprochait une telle pensée à l'égard de son fiancé. Le temps passait. Un jour, Maria reçut, par l'entremise d'un voyageur, une lettre où Guillaume lui disait que son retour était retardé, qu'il s'en allait toujours plus loin, fuyant des ennemis vainqueurs, cherchant fortune. Il ajoutait que, si le besoin la pressait, elle n'avait qu'à vendre les pierreries de la Rose qui lui donneraient bien assez pour vivre. « Mais si la misère ne t'y contraint, ajoutait-il, n'y touche pas, garde-la comme je te l'ai donnée, comme l'offrande de mon amour. » Et la faim l'épuisait. Son père se mourait. Elle allait se trouver seule au monde. La pauvre Maria travaillait jusqu'à se consumer, à perdre le sommeil. Elle ne touchait point à la fleur. La pierre qui s'agitait sur son pétale d'or, au moindre choc, semblait l'inviter à la détacher et à la vendre, pour donner à son père des aliments, un lit, un abri. Mais Maria ne touchait à la rose que pour la baiser. L'or, les pierreries, tout cela n'était point à ses yeux des richesses, ce n'était qu'un symbole d'amour. Au plus fort de son angoisse, un pèlerin passa par son village et lui apporta un second message. Il venait de Jérusalem, où le malheureux Guillaume était mort pénitent, accablé sous le poids de ses fautes, confessant à sa fiancée que la rose d'or était le fruit d'un horrible sacrilège. Un larron l'avait dérobé à l'église Saint-Maurice de Halle, et lui, Guillaume, rencontrant ce voleur, alors qu'il cherchait par le monde une offrande digne de son idole, avait acquis, pour elle, cette rose des mains de l'infâme, en lui sauvant la vie. Guillaume terminait en suppliant sa fiancée, afin de le préserver de l'enfer, mérité par trop d'amour pour elle, d'accomplir le vœu qu'à Jérusalem il avait fait au Seigneur offensé, et d'aller jusqu'à Rome, à pied, en pèlerinage austère, remettre la rose d'or au pape lui-même, pour qu'il la bénît de nouveau, si elle était profanée, et qu'il la restituât, s'il le jugeait bon, à l'église de Saint-Maurice et Marie-Madeleine. Tant que vivait mon père infirme, ce pèlerinage m'était impossible. Je ne pouvais l'abandonner. Je fis à la rose, dans mon alcôve, une sorte d'autel caché derrière une courtine. Pour que ma présence ne souillât point ce sanctuaire, je m'efforçai de rendre chaque jour mon cœur et mon âme moins indignes de lui, plus purs, plus semblables aux saints. Un soir, que notre misère était horrible, les douleurs de mon malade intolérables, un médecin, un savant, un sorcier, que sais-je, s'arrêta à notre porte. Il étudia la maladie et m'offrit, pour mon triste père, un remède qui allégerait ses douleurs et le guérirait presque complètement. Mais ce remède était cher, très cher, car, disait cet étrange médecin, il était fait d'or et de matières subtiles et délicates, si rares qu'elles valaient autant que des pierres précieuses. Avec quoi n'aurais-je pas acheté la santé de ce vieillard aimé, dont les yeux, sans parler, imploraient de moi l'aide et le conseil que je lui avais dû tant de fois pendant mon enfance? « Je ne donne pas à vil prix mes remèdes, me dit le médecin, seul avec moi. Ou vous les paierez à leur prix, et vous n'en avez pas les moyens, ou vous les paierez d'un baiser, que je vous ferai la charité d'estimer autant que l'or et les pierres fines. » Laisser mon père expirer dans d'indicibles souffrances? Impossible. Je songeais à la pierre à demi détachée de la rose d'or. Je songeais à ma vertu, à ma pureté, qui me semblait aussi chose sacrée, pierre précieuse, profondément incrustée dans mon âme. Je me souvins de ma mère, de Guillaume, mort presque damné, sans avoir eu de moi ce baiser que demandait le médecin diabolique. « Et qu'as-tu fait ? » demanda le pape, inclinant la tête vers Maria Blumengold. Le pontife ne souriait plus. Ses lèvres tremblaient. L'anxiété assombrissait ses 12 yeux d'azur. « Qu'as-tu fait ? Un sacrilège ? » « J'ai donné un baiser au démon. »« Oui, c'était le démon. » Il y eut un silence. Le pape tourna ses regards vers la Vierge de l'autel, soupira et murmura quelques mots en latin. Maria pleurait, mais comme si sa confession avait soulagé d'un poids pesant son front pur, elle osait maintenant regarder le pontife humblement et sans crainte. « N'as-tu rien de plus à m'avouer ?» dit le successeur de Pierre. « Parle sincèrement. »« Rien de plus. » »« Alors, ce n'était pas le diable ?» Le pape donna sa main à baiser à Maria, la bénit, et avant de la congédier, lui dit « Demain, mon cher Sébastien ira aux Oblates recevoir la rose d'or et te porter les secours nécessaires pour regagner ton pays. Et ton père, vit-il encore? Le médecin l'a-t-il guéri? Mon père vit, mais impotent. Durant mon absence, une voisine le soigne, puisque aujourd'hui, son état n'exige plus que je l'assiste sans cesse, comme autrefois. C'est bien, nous penserons aussi à ton père. Le lendemain, le pape avait entre les mains la rose d'or de l'église de Halle, et Maria Blumengold retournait dans son pays, avec une abondante aumône du pontife. Pâques approchant, la diplomatie se mit en mouvement pour que la rose d'or fût, cette année-là, décernée à une fameuse reine d'Occident, capable de brûler tous ses vassaux comme hérétiques s'ils s'opposaient à ses caprices. Soit pénurie du trésor pontifical, soit pieuse ruse du pape, aucune rose n'avait été préparée à l'avance. L'embarras fut grand. Le roi d'Occident, très puissant, se déclarait insulté, furieux, si son épouse n'obtenait le présent papal. Que faire? Très effrayé, le pape convint qu'il possédait une antique rose d'or de mystérieuse origine. La reine se crut sûre de l'obtenir. Mais, quand vint le dimanche de l'étarée, le pape ne bénit aucune rose. Durant la nuit précédente, il avait réfléchi. Ce qu'il fit, le soir même de ce jour, fut de dépêcher son familier sur la route de Halle, avec mission, non de restituer à l'église Saint-Maurice le riche bijou mystique, mais de découvrir, dans les faubourgs de la ville, la pauvre cabane de Maria Blumengold, et de lui remettre, en présent, de la part du souverain pontife, la rose d'or qu'elle avait si pieusement gardée comme un saint dépôt. Et le pape se disait, secouant la tête, si parfois un regret lui prenait d'avoir agi ainsi. Puisqu'il faut une noble dame, devant Dieu et devant moi, Maria, la protégée des oblates, est plus illustre que cette reine d'Occident. Pour cette fois, que la diplomatie me pardonne. Et maintenant, les habitants de Halle savent comment ils ont perdu la rose d'or, présent de Léon X, à l'église de Saint-Maurice et Marie-Madeleine. Note de l'auteur. Bohème. Dans cette allusion aux Hussites, il y a un anachronisme volontaire par rapport à Santa Francisca Romana. De plus, dans Mon pape idéal, il y a des traits de Martin V et d'autres d'Eugène VI, tous deux antérieurs à Léon X.